Ce vendredi, à la vie en BD, triple regard sur l'illustration jeunesse. On parle des 20 ans des éditions Les 400 coups. On porte un regard sur le livre Perché sur mes hautes jambes avec l'illustratrice Valérie Boivin et les suggestions en littérature jeunesse de notre chroniqueur Julie Gagné. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Comme à l'habitude, pour parler 9e art, porter un regard sur cet univers. Un univers qu'on a élargi déjà au fil des dernières saisons, mais qu'on élargit d'autant plus cette année, puisque il y a différents univers, différents mondes qui sont perméables. Et c'est le cas de la bande dessinée et de l'illustration jeunesse. Plusieurs auteurs qui se côtoient, un médium, la narration visuelle qui est présente dans les différentes options également. Et c'est pourquoi on a déjà commencé à faire plusieurs clins d'œil à cette sphère-là au fil de l'année en cours. Et cette semaine, c'est un clin d'œil tout particulier, en profondeur, pourrait-on dire, au fil de diverses rencontres. Tantôt, on aura avec nous l'éditeur des 400 coups, Simon de Joca. Comme on le disait d'entrée de jeu, l'illustratrice Valérie Boivin également en deuxième partie. Donc bref, un menu tout particulier autour de cette sphère. Évidemment, on parle aussi d'actualité BD et grosse remise de prix qui a lieu cette semaine, en fait remise du moins par communiqué, puisque la remise physique aura lieu un peu plus tard en novembre dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. Et donc, c'est annoncé, Jimmy Beaulieu, qui est le premier récipiendaire du prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, ACBD pour Association des critiques et journalistes de bande dessinée, une association pan-francophone qui regroupe plus de 80, en fait 84 pour être précis, critique et journaliste de BD, donc principalement en Belgique et en France, avec également une belle présence ici au Québec. Et ce prix-là a été mis en place à l'initiative, en fait, du, entre guillemets, Bureau de Québec de l'association, avec la collaboration du Bureau international basé en France, avec participation également de l'ensemble des journalistes de l'organisation. Alors, un choix mûrement réfléchi qui avait mené, on en a parlé il y a quelques semaines, à trois finalistes. Donc, Jimmy Beaulieu pour Les Aventures, qui est la réédition qui a été publiée l'an dernier aux impressions nouvelles de son livre Non-Aventure, qui avait été publié ici chez Mécanique Générale, qui avait été mis aux côtés donc de 23h72 de Blanc et de La Guerre des Arts de Francis Desharnais, tous deux publiés aux éditions Pow Pow. Et donc, après vote, après lecture d'un peu tout le monde, eh bien, donc, c'est Les Aventures ou Non-Aventure qui a été retenu. Donc, cet ouvrage qui, on le rappelle, rassemble toutes les planches réalisées à la première personne, donc autobiographie ou autofiction, publiées au fil des années par Jimmy Beaulieu. Donc, notamment quelques pelures, résine de synthèse, le moral des troupes, et aussi une section inédite, Le Roi Cafard. Alors, l'association dit, via communiqué, je cite, « Jimmy Beaulieu partage avec ses lecteurs un regard sur l'existence, dans ce qu'elle a de plus intime, avec simplicité et authenticité. Narrateur hors pair lorsqu'il se raconte en dessin, il parvient à nous fasciner du début à la fin avec des petits riens comme s'il nous plongeait dans un scénario à suspense. Jimmy Beaulieu est présenté par la CBD comme l'un des piliers de la bande dessinée québécoise moderne, à juste titre d'ailleurs, et l'association estime que Les Aventures met bien en évidence le vif talent de l'auteur, son style jeté, énergique, qui répond à son obsession d'un rendu expressif par opposition à la rationalité de la précision. » En voilà, mais toutes nos félicitations évidemment à Jimmy Beaulieu pour cette récompense. Et puisque nous sommes dans les récompenses, deux autres mentions, il y avait les prix littéraires du gouverneur général 2015 qui ont été annoncés, puisqu'on parle de littérature jeunesse particulièrement cette semaine, eh bien, félicitations à Patrick Doyon et André Marois, auteurs et dessinateurs du Voleur de Sandwich, publié aux éditions La Pastèque, donc qui a obtenu le prix littérature jeunesse livre illustré. Et en BD, eh bien, il y a l'équipe de Quai des Bulles 2015 qui ont lancé leur récompense. Prix de l'affiche 2015 qui a été donné à Sylvain Vallée. Il était une fois en France et 13 Mystery. Il réalisera l'affiche de l'année prochaine. Et prix coup de cœur 2015 pour sa série Moutou Foukaz, donc qui a été donné à Ron et Fab Caro, donc de ce côté. Alors ben voilà, donc pour ces prix et récompenses. Maintenant en musique cette semaine, ben c'est la formation TLR qui nous accompagne, une formation qu'on retrouve d'ailleurs sur Bandcamp. On écoute un premier extrait de leur plus récent EP. Et vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions sont disponibles en balado diffusion. Vous n'avez qu'à aller faire un tour sur lavieenbd.wordpress.com. Les beaux anniversaires qui se sont fêtés en 2015 et notamment, il y a à Québec les éditions Alto qui fêtent leur 10e cet automne. Ça sera souligné d'ailleurs à la Maison de la littérature. Et parallèlement, au fil de 2015, autour de différentes activités, notamment une exposition qui est présentée actuellement à la bibliothèque Gabriel Leroy jusqu'au 11 novembre. Il y a également les éditions Les 400 coups qui célèbrent, eux, leurs 20 ans. Alors, on avait envie d'en parler, de souligner la chose et de le faire en compagnie de l'éditeur Simon Dejoca. Bonjour. Bonjour Raymond, bonsoir. Alors en fait, dans votre cas, vous êtes une arrivée récente, si on peut dire, aux 400 coups. Vous avez fait l'acquisition, vous avez repris l'éditeur il y a déjà 2 ans, en 2013. Et en entrevue, je me rappelle avoir vu à l'époque que vous aviez indiqué, ou du moins plus récemment, que cette acquisition-là représentait pour vous l'apogée d'un parcours dans le milieu de la littérature. Effectivement, si on suit mon parcours, j'ai été enseignant du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. J'ai même eu l'occasion de voyager dans le Grand Nord québécois, sur la base Côte-Nord et tout. Et en 97, je me suis retrouvé en édition du côté scolaire de 97 à 2009. Ensuite, je suis passé au numérique et c'est en 2012 que les propriétaires du temps m'ont approché. Les 400 coups faisaient partie d'un groupe, les éditions Caraca, qui lui avait été racheté par les éditions de la Chenelière. Mais les 400 coups faisaient pas partie de la ligne éditoriale de Chenelière. Alors, ils cherchaient un acquéreur et puis ils se sont dit qui on pourrait bien demander. Et ils ont pensé à moi puisque ça faisait un petit bout de temps que j'étais dans le milieu. Et effectivement, ça vient, si vous voulez, combiner toutes les amours que je peux avoir, c'est-à-dire la littérature, l'enfant, le français. Alors, tout était... Et dès le départ, en fait, vous aviez choisi de garder en place l'équipe éditoriale. Vous aviez souligné notamment la force de leur travail. Qu'est-ce qui vous avait accroché, justement, peut-être dans le catalogue, dans la vision, dans la manière de faire qu'il y avait déjà en place aux 400 coups à votre arrivée? Alors, sachant que j'avais été enseignant, vous comprendrez que je n'étais pas ignorant de la qualité de la ligne éditoriale des 400 coups. Les 400 coups avaient toujours été une maison d'édition audacieuse, qui offrait des ouvrages de qualité. Ils avaient été chercher des noms, des gens qui sont devenus des renoms par la suite, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, il y avait, au 400 coups, une audacité que j'aimais bien. Quand je suis arrivé, effectivement, j'avais gardé l'équipe parce que je me suis dit, malgré le fait que j'ai été un papa, j'ai été un lecteur, j'ai été un enseignant, je ne prétendais pas avoir l'expérience que l'équipe en place avait à ce moment-là. Alors, je trouvais ça important aussi dans la continuité de garder cette équipe-là. Puis, par la suite, j'ai pris le temps de revoir un peu la structure éditoriale, c'est-à-dire de consolider, mm-hmm, une certaine collection qui était déjà bien présente et bien puissante au 400 coups. Et puis, d'ailleurs, on en sort deux nouvelles cette année. Donc, c'était pas une question de se débarrasser de toutes les collections, mais plutôt de resserrer un peu la structure, oui. Oui, puis en même temps, j'imagine à travers ça, d'amener le lecteur, justement, plus facilement cibler les types d'ouvrages, les catégories d'ouvrages en fonction de ses besoins, en fonction du public que lui-même cherche à alimenter, dans la mesure où, évidemment, on lit pas non plus à 2 ou 3 ans comme on lit à 5, à 8, 10, 12 et par la suite, là. Effectivement, et puis je vous dirais que mon passage en éducation du côté scolaire m'aura permis effectivement de proposer à l'équipe de regarder un petit peu comment on avait, à travers les années, proposé des ouvrages, et puis pour remarquer que, par exemple, du côté, je sais pas, du carré blanc, il y avait peut-être des espaces vides. Alors, c'était pas une question de les remplir, mais plutôt d'en prendre conscience. Pour que si jamais il y avait un ouvrage qui se pointait, qui rentrait dans la collection et qui pouvait remplir ces vides-là, mais tranquillement, à travers les années, sans qu'on force qui que ce soit, on arriverait à avoir quelque chose de plus étoffé à travers les années, pour pouvoir ensuite se tourner vers la clientèle scolaire ou bibliothécaire, le parent qui dit « j'ai un enfant de 5 ans » ou « j'ai un enfant de 9 ans » ou « j'ai un enfant de 12 ans », tel besoin, on serait mieux outillé pour répondre à leurs besoins. Oui, puis en même temps, j'imagine aussi de faire des mariages réussis à travers ça pour s'assurer d'avoir le bon livre, donc d'avoir le bon texte qui est suffisamment poétique et pas moralisateur, appuyé par un dessin qui convient aussi au style du livre. J'imagine c'est des mariages parfois assez... Oui, si vous regardez les 400 coups, c'est une des choses d'ailleurs que je dis souvent à ceux qui m'envoient des textes, c'est que systématiquement, on évacue tout ce qui est moralisateur. Les 400 coups sont pas là pour porter un jugement ou critiquer quoi que ce soit. On est là plutôt pour d'ailleurs, on pose plus de questions, je pense, à travers nos ouvrages qu'on donne des réponses. Bon, il y a des textes informatifs dont certaines familles connaîtront les noms, comme Le Grand Voyage de M. Caca ou L'Épopée de Dame Crotte de Nez, où là, on est dans le texte informatif, humoristique, on s'entend, mais informatif. Mais pour le reste, les ouvrages sont là pour animer la discussion, faire rire, sortir un peu des sentiers de la suite. En fait, j'imagine, c'est qu'on a un peu deux publics à saisir d'une certaine façon. L'enfant qui va découvrir le livre, mais le parent aussi qui va, dans bien des cas, surtout pour les âges un peu plus jeunes, qui va servir d'interprète, finalement, autour de ce livre-là. Vous avez tout à fait raison. Il faut à la fois séduire... J'ajouterais à ça, dans le reste de la chaîne du livre, il faut à ça aussi séduire le libraire qui sera sur le terrain à parler à ses parents et à ses enfants. Donc, il faut séduire toute la gamme, et vous avez raison, il faut séduire autant les enfants que les parents et les enseignants et les enseignantes qui, des fois, cherchent des ouvrages peut-être un peu plus poussés pour des discussions en classe. Et tout ça dans un milieu qui, le milieu d'édition jeunesse, qui est très dynamique, en fait. J'ai l'impression beaucoup plus dynamique, d'ailleurs, que ce dont on en entend parler. Beaucoup de beaux produits, de beaux livres qui se publient au Québec. Comment on arrive peut-être à réussir à se démarquer dans ce contexte-là? Je sais qu'au fil de différentes entrevues, vous parliez notamment de l'audace des 400 coups. Comment on la présentera un peu, cette audace-là, qui vous permet de vous démarquer, qui vous a permis aussi de vous démarquer au fil des 20 dernières années, si on parle plus largement? Oui. Je vous dirais effectivement qu'il y a présentement sur la liste des éditeurs jeunesse au Québec une gamme exceptionnelle. Je pense à des tout nouveaux qui viennent d'apparaître, comme Des Géants, ou encore des plus anciens comme La Courte Échelle, qui a repris du poids de la bête grâce à l'arrivée de Marie-Ève Talbot. Je vous dirais que on doit se démarquer souvent par un sentiment. C'est dur à dire, mais je vous dirais que l'équipe éditoriale, l'équipe qui fait la lecture, on le sent ou on le sent pas comme étant un livre de chez nous. D'ailleurs, j'ai vu de très beaux textes, et je me suis permis de dire à ces auteurs-là, ne viens pas chez moi parce que c'est pas un bon texte chez nous, mais voici des noms de maisons d'édition où tu pourrais aller. Alors l'idée, c'est de sentir que le livre correspond à une de nos collections. C'est ça. C'est une question de cœur. Et si on essaie de décrire un peu ce sentiment-là, quelle ligne justement, instinctive peut-être, ou réfléchie en même temps aussi, on essaie de donner à ces collections pour dire, ben, dans le fond, OK, ça c'est les 400 coups, et qu'à la limite aussi, pour le lecteur, on peut dire, ah, ben oui, ça c'est les 400 coups, c'est, je cherche un peu ce style d'univers de sentiment-là, je vais le trouver chez vous, donc ça serait quoi un peu ce sentiment? Alors, je vous dirais que finalement, il y a une collection que tout le monde connaît, qu'on appelle des livres résistants, qui font partie des grands choix, des grandes bibliothèques et ensuite du système scolaire, c'est les carrés blancs, qui a été démarré il y a presque 20 ans. Et le carré blanc, c'est tout ce qui s'appelle livres avec des sujets complexes qu'on veut aborder au niveau de l'enfant. Donc, on va parler de guerre, on va parler de suicide, on va parler de deuil, on va parler de divorce, on va parler d'adoption. D'ailleurs, récemment, le livre « Elliot » de Julie Pearson, illustré par Manon Gauthier, a gagné le prix, justement, des bibliothèques de Montréal. Un livre qui parle d'adoption, de la famille d'accueil et de l'adoption. C'est pas des sujets faciles. Et encore une fois, les livres n'abordent jamais le sujet avec pointer du doigt ou proposer des solutions, ou c'est pas des guides pratiques sur comment gérer un enfant qui est en phase d'accueil. On parle du sentiment de l'enfant, de l'émotion de l'enfant. Je pense au livre de Marie-Francine Hébert, Tu me prends en photo, qui anime la proposition d'un enfant qui parle à un photographe, un correspondant de guerre, et elle ne sait pas ce qu'il dit parce qu'il est d'un autre pays, mais elle lui parle, elle lui fait un monologue, elle répond à ses questions qu'il ne comprend pas. C'est de toute beauté. Et à la fin, il n'y a pas une question, ils ne dit pas « c'est pas bon la guerre, c'est bon la guerre », ou c'est l'émotion de l'enfant qui est exprimée. Mm-hmm. Ensuite, à l'autre bout, on a ce qu'on appelle grimace. Alors, vous pouvez vous imaginer que grimace, on est vraiment dans l'audace, on est dans l'irrévérencieux, on est dans l'humour un peu tordu, on se laisse aller, l'idée c'est de rire, c'est de se bidonner. Voilà. Alors on a ces deux côtés-là, et je vous dirais qu'entre les deux, ben il y a ces coups de cœur, ces moments qui nous raffolent. On a une nouvelle collection qui s'appelle Hop là, qui va sortir à la mi-novembre, à temps pour Noël. C'est une série qui se veut hors normes. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'avec le temps, les gens se poseront la question quel sera le hop-là de l'année, car il n'y en aura qu'un seul par année. Donc voilà, ça ressemble à ça. Nous, on essaie de trouver des idées qui sont un peu uniques. C'est certain que les livres, d'ailleurs, sont tout aussi beaux. Mais on essaie de trouver quelque chose. On essaie aussi de trouver une finition qui a du goût. On est dans le coup du caisse, donc... couverture rigide, on trouve que ça donne une plus belle présentation au livre, autant en bibliothèque que dans la bibliothèque scolaire que celle de la maison, voilà. Et tout ça appuyé avec, au niveau visuel, en fait, des dessins aussi quand même très variés. On voit du dessin peut-être à caractère un peu plus naïf qui rappelle le dessin un peu de l'enfance, l'imaginaire de l'enfance, à des choses plus réalistes, des choses plus stylisées, plus poétiques. Donc encore là, on parlait de mariage tantôt, on se permet un large éventail de styles visuels, mais il faut voir justement lequel va s'appliquer au ton, à l'esprit du livre, au niveau textuel. Vous avez tout à fait raison, et c'est un des défis les plus grands, et je lève mon chapeau à tous ces directeurs littéraires qui sont capables, ou directeurs de projets, qui sont capables de lire un manuel, lire un manuscrit, dire ce manuscrit, je le vois avec tel ou tel illustrateur ou telle illustratrice. C'est un défi. Et puis, on peut pas prétendre qu'on réussit à tout coup. Des fois, l'amalgame fonctionne moins, mais plus souvent qu'à leur tour, les illustrateurs et les illustratrices font un travail remarquable avec des textes qui leur sont proposés. D'ailleurs, je pense que dans la série des commentaires qui sont faits dans l'exposition qui est présentement à la bibliothèque Gabriel Roy, on a justement les commentaires des illustratrices qui expriment le malaise qu'elles avaient devant un texte, ne sachant pas comment elle allait le aborder. Et en bout de ligne, c'est de toute beauté. Je pense en particulier à Pablo trouve un trésor de Isabelle Malenfant, un texte d'André Poulin sur les enfants dans les dépotoirs quelque part en Amérique latine. Alors c'est de toute beauté comment elle a su utiliser l'ombre, la noirceur de cette situation-là, mais il y a une luminosité dans le visage des enfants qui est absolument hallucinant. Mmh. Et oui, parce que c'est nécessairement, en fait, on parlait d'émotion tantôt, mais évidemment, c'est aussi beaucoup là qu'on va aller la chercher, dans le fond, parce que c'est toute l'ambiance de ce texte-là qui transparaît par le dessin. C'est la première manière qu'on a d'appeler peut-être un peu aussi le lecteur potentiel. Oui, à juste raison, vous savez, le ministère de la Culture, la SODEC et toutes les structures subventionnaires considèrent l'illustrateur dans l'album jeunesse comme un auteur à part entière. Mmh. Et c'est avec raison, vous avez tout à fait raison. C'est un mariage, c'est un tango merveilleux quand les deux peuvent se trouver sur la piste de danse ensemble. Et on parlait tantôt des 20 ans, des 400 coups. C'est aussi, j'imagine, une occasion pour votre maison d'édition, justement, de se démarquer à nouveau en disant, ben, regardez, ça fait 20 ans qu'on est là, et d'en profiter pour revenir un peu sur les auteurs marquants, pour mettre de l'avant à travers des expositions comme celle qu'a Gabriel Roy, des éléments, des pages fortes, des images fortes aussi, au bout du compte, là, de ce qui a été produit. Vous savez, quand on a commencé à monter l'exposition et qu'on a constaté qu'il y avait à peu près 280 auteurs et illustrateurs qui avaient œuvré aux 400 coups, et dans bien des cas, c'était leur première expérience dans le monde du livre. Je pense à Isabelle Arsenault, Manon Gauthier et d'autres qui n'avaient jamais fait de livre illustré. Élise Gravel, que les enfants connaissent bien. Premier livre, c'était chez nous. Et c'est un honneur de penser que ces gens-là ont eu le plaisir d'avoir Serge Pirou, qui était là dans le temps, qui était assez accueillant pour que les gens se sentent à l'aise de venir essayer une première fois aux 400 coups. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Et l'exposition est une reconnaissance de ce qu'ils ont fait à travers ces 20 ans. Ils sont une inspiration. Le thème, c'est l'inspiration, mais ces auteurs, ces illustrateurs-là sont une inspiration pour la jeunesse, pour les parents, pour la maison d'édition. Et en même temps, j'imagine qu'un 20 ans aussi, c'est une occasion de voir ce qui a été accompli, mais de voir aussi ce qui s'en vient. On parle beaucoup de révolution dans le monde du livre, avec le numérique, avec une baisse du lectorat, des défis, etc. Quelle impression vous avez face au milieu actuellement? On parle d'un chiffre encore plus minime quand on parle de l'album jeunesse, qui est un médium qui est très difficile à transférer sur une plateforme numérique sans avoir à y ajouter des éléments visuels de transformation. Et nous, on est absolument contre transformer nos livres en livres jeux. Ce n'est pas l'objectif ni le désir des 400 coups de faire ça. Cela dit, on est conscient, par contre, que dans un milieu scolaire, avec les tableaux blancs interactifs, que dans les bibliothèques maintenant, avec le prêt numérique qui a été mis en place par Demarc, on veut pouvoir offrir le livre dans un format numérique, probablement dans un format PDF qui est stable, pour que les écoles puissent l'utiliser sur le tableau blanc, pour que les enfants puissent l'emprunter à la bibliothèque. Alors, on se dirige vers ça. Je vous dirais, par contre, pour revenir à votre deuxième partie, qui est peut-être encore plus critique, c'est le lectorat. Vous avez raison, il y a une baisse de lectorat constante. L'industrie le remarque, les ventes sont un témoin probablement de la baisse du lectorat. Les études nous démontrent aussi que du côté de la jeunesse, on est de moins en moins intéressé à lire dans un format, peu importe qu'il soit numérique ou papier. On est à peu près à 50% d'une population qui lit. C'est dramatique. Je disais justement hier soir, alors que j'étais au lancement de Alto, à la responsable à la FEDEC, que le problème, c'est qu'on a amené nos enfants à apprendre à lire. On leur a pas enseigné à aimer lire. C'est tout à fait différent. Quand la lecture devient une obligation scolaire, on peut s'attendre à ce qu'on soit moins intéressé à vouloir le faire plus tard. Alors qu'on aurait dû mettre toute cette énergie-là sur simplement aimer lire. Pourquoi que la lecture devienne une tâche académique uniquement, mais un plaisir? Je souligne le fait qu'il y a tant de parents qui lisent à leurs enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, arrivent à l'école, arrêtent de lire. Pourquoi? La lecture est un plaisir qu'on peut partager en famille jusqu'à l'âge de 50 ans. J'en suis témoin. En fait, il y a le partage, il y a le côté émotif. Et en fait, ça me fascine qu'aujourd'hui, dans le fond, un peu, les éditeurs, les auteurs, le milieu, dans le fond, sont obligés de prendre le bâton de pèlerin pour dire aux gens, mais lisez, c'est le fun, qu'on en soit un peu rendu là aussi à certains égards. Là. Oui, ben je vous dirais que, je ne suis pas pointer le doigt sur aucun programme ministériel, ni sur aucun gouvernement, qu'il soit fédéral, provincial, péquiste ou libéral. Mais on s'entendra qu'il y a peu, il y a peu de réflexion qui est faite sur la place du livre dans notre société. On a vu nos super hôpitaux en train d'être bâtis à gauche à droite, mais je pense pas qu'il y ait personne qui a dit qu'on a pensé à une stratégie pour avoir des livres accessibles. Le principe des bibliothèques en prison, c'est assez récent. Il y a encore des écoles au Québec qui n'ont pas de place pour avoir une bibliothèque. C'est aberrant de penser qu'on ne donne pas d'importance. C'est vraiment donner à l'enfant le sentiment de, tu vois, la lecture, c'est pas si important que ça, parce que de toute façon, à l'école, il n'y en a pas de livres, ou il n'y a pas de bibliothécaire, ou il n'y a pas de bibliothécnicienne. C'est donner l'importance. Quand l'ancien ministre de l'Éducation a dit, pas d'enfant qui va mourir de ça, c'était un symptôme clair d'une société qui ne donne pas d'importance aux livres. Le premier ministre est allé en France et il s'est fait un plaisir de parler du livre. Je ne sens pas qu'il en parlerait ici. Je ne sais pas s'il sera présent au Salon du Livre de Montréal, alors que c'est le premier ministre qui ouvre le Salon du Livre de Paris en France. C'est particulier. On n'a pas cette notion-là de l'importance de la lecture ici. C'est triste. Et c'est pas juste au Québec. Cette problématique-là existe dans les pays occidentaux de façon générale. Et dans ce contexte-là, en terminant, Simon de Joca, je rappelle, éditeur aux éditions Les 400 coups, comment on envisage un peu, bon, en ayant 20 ans derrière la maison, si on peut dire, comment on envisage un peu les 20 prochaines? On va combiner encore la créativité, le plaisir de bâtir de sortir des livres que les enfants et les parents voudront lire et relire. Et en même temps, du même souffle, on travaillera avec la structure, la chaîne du livre au complet qui est tout aussi engagée que nous pour amener les gens à lire plus, à lire mieux, à lire canadien, à lire québécois. On va avoir deux bâtons du pèlerin à travers les prochains 20 ans. Excellent. On continuera de suivre ça et surtout de lire tout ce qui sortira, évidemment, avec un vif plaisir. Simon de Joca, donc éditeur aux éditions Les 400 coups, merci. Je vous remercie à vous et bonne soirée et joyeux Halloween. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle donc les éditions Les 400 coups qui célèbrent cette année leur 20e anniversaire. Et si vous avez envie, justement, on en a parlé un peu, d'aller voir différentes images, différents éléments autour de la thématique de l'inspiration et de l'histoire des 400 coups. Mais l'exposition sur la thématique est présentée à la Bibliothèque Gabriel Roy, donc jusqu'au 11 novembre prochain. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Vous écoutez La Vie en BD, en musique. C'est la formation TLR avec leur EP. On écoutait un petit extrait de leur pièce Bounce. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous lire sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. De même que lire mon blog personnel sur voir.ca/Raymond-Poirier. Alors maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous toujours dans la sphère de l'illustration jeunesse. On se lance à cœur joie dans ce monde-là cette semaine. Alors, un beau livre qui a été publié tout récemment aux éditions La Bagnole, lancé la semaine dernière en fait ici à Québec. Ça s'appelle « Percher sur mes hautes jambes ». Alors, un livre écrit par Hélène Deblois et dessiné par Valérie Boivin. L'illustratrice est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, Percher sur mes hautes jambes, qu'est-ce qui t'a amené un peu vers ce livre-là? Est-ce que c'était un peu à la suggestion de l'éditeur qui avait l'impression que ton univers visuel se métisserait bien avec l'univers raconté très poétique de cet ouvrage-là? Oui, ben c'est ça. En fait, La Bagnole m'a approché avec cette proposition-là, avec ce texte-là. Donc, quand je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, j'ai pas hésité, j'ai embarqué dans cet univers-là d'Hélène de Blois. Et finalement, j'ai beaucoup eu de plaisir à illustrer l'album. Donc, oui, on n'est pas dans une narration classique avec ça. En fait, c'est un poème, c'est une réflexion poétique au bout du compte. J'imagine que c'est un bon défi. On le reçoit un peu comme un défi ou. Oui, c'est sûr que le texte doit pas. C'est sûr que les illustrations ne doivent pas. Les illustrations doivent compléter le texte et non pas juste le reproduire. En fait, c'est vraiment une question de créer un univers qui va compléter, créer quelque chose de bonifier le texte pour en faire un univers en soi. Oui, puis faire voyager, parce qu'au bout du compte, il y a beaucoup des éléments de l'ambiance, de l'esprit aussi, de ce qui va ressortir, qui transparaissent par le visuel, finalement. Donc, c'est un peu ton trait qui amène le voyage. Oui. Et c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à amener le lecteur dans mon univers visuel. Et le livre, en fait, on passe du grand au petit. En fait, oui. C'est un peu l'enfant qui imagine qu'est-ce qui se passerait si on changeait de perspective, si on résume. En fait, c'est l'enfant qui, tout à coup, a la possibilité d'être grand comme nous, en fait, comme les adultes, puis finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. En fait, c'est tout l'imaginaire de l'enfant qui prend place. Finalement, il se rend compte, bon, punch de l'histoire, il se rend compte que finalement, il est pas si grand que ça, qu'il est encore un petit garçon, mais l'instant de cette histoire-là, finalement, il était devenu un géant. Et donc. Oui, enfin, on va parler directement à l'émotion de l'enfant qui veut toujours être un peu plus grand, en fait. Oui. La volonté, le désir d'être un grand lui aussi. Tout de suite. Donc, on le lui a donné dans ce livre-là. Et donc, comment on aborde un peu ce travail-là? J'imagine, en fait, tu reçois le texte, tu fais des propositions, il y a un va-et-vient, ou c'est vraiment, tu reçois le texte, tu te lances? Je reçois le texte et je me lance. C'est sûr que au début, j'ai proposé un peu la vision que j'avais du personnage principal à l'éditrice pour être sûre qu'on s'entendait bien sur ce personnage-là, puisqu'il prenait beaucoup de place dans l'histoire. Mais ensuite, j'ai été libre vraiment de faire ce que je voulais autour du texte d'Hélène. Mais c'est sûr que c'est vraiment chouette quand les éditeurs nous laissent vraiment la place, parce qu'on peut la prendre rapidement. Quand il y a trop de consignes, ça devient un peu moins intéressant là, d'explorer le texte. Surtout qu'en fait, nécessairement, en fait, j'imagine que la dynamique est pas la même que sur ton précédent, par exemple, un après-midi chez Jules, où tu étais illustratrice et auteur. Là, c'était 100% du Valérie Boivin. Oui. Dans ce cas, dans l'autre cas, faut que tu t'imprègnes de l'univers de quelqu'un d'autre aussi un peu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un après-midi chez Jules, j'avais écrit le texte et donc fait les images. Et là, je m'étais gâtée. Là, j'avais écrit le texte, en fait, pour... Mais en fait, le texte, justement, ce livre-là est publié au 400 coups, là, avec Simon, avec lequel tu parlais tout à l'heure. Mais je me suis vraiment fait plaisir. Donc, j'avais écrit le texte pour pouvoir avoir le plaisir d'illustrer des avions en papier. Mais là, c'est sûr que là, je suis revenue vraiment avec le texte d'une autre auteure. Et là, il y a toujours le souci de est-ce qu'elle va aimer mes illustrations? Parce que j'ai pas fait le contraire. J'ai pas donné de texte. J'aimerais beaucoup pouvoir écrire un texte et l'offrir à un illustrateur. Mais c'est aussi un don... exceptionnel de dire je te remets, voici ce qui me tient à cœur, voici ce que j'ai pondu et là, ajoute ta couleur là-dessus. C'est toujours un petit... Il y a toujours le moment où on remet le texte, les illustrations, pardon, à l'éditeur et le moment où on remet les illustrations à l'auteur. C'est comme deux moments clés là, dans la création du livre parce qu'on veut que, évidemment, que tous les gens qui participent à ça soient fiers. Oui, parce que tu en fais une interprétation, finalement. C'est ben oui. Compte, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est engagé aussi. Oui, exactement. Oui. Et dans ce contexte-là, justement, t'as abordé, en fait, donc on parlait de l'idée de voyage, de faire voyager l'enfant, d'aller chercher un dessin qui est à la fois très poétique, mais à la fois aussi qui est expressif. Je pense que c'est la clé de ce personnage principal-là, et des paysages qu'il parcourt, en fait, qui a un côté expressif, émotif, un ressenti. Oui, parce que c'est un aventurier. Alors, le petit garçon n'a pas de nom, je ne sais pas comment le nommer, mais le petit garçon de Perché, c'est un aventurier, il a l'imaginaire débordant. Et donc, à cet imaginaire-là, j'ai mis des petites illustrations. J'aime bien quand tu dis le mot poétique, parce que c'est pas comme une aventure. Il n'y a pas des actions, il y a des actions, mais c'est des actions, plutôt des sensations, plus des portraits de page en page qu'une action dans le temps. Mm-hmm. Ouais. Et à travers tout ça, en fait, j'étais tombé sur certaines descriptions que tu faisais de ton travail d'estampe, que tu mènes en parallèle, oui, aussi, parce qu'évidemment, tu as une pratique aussi en art visuel. Et tu disais qu'en estampe, tu travaillais souvent avec des couleurs désaturées pour donner à tes images une ambiance un peu nostalgique. Est-ce qu'on peut avoir l'impression que c'est aussi ce que tu fais en illustration? Oui, mais là, j'essaie de... Mais c'est ça, j'aime beaucoup les gris. Alors, je commence, c'est du gris bleu, beaucoup de gris bleu, un petit peu de rouge, ça finit gris, un petit peu de jaune, ça finit gris. J'aime bien les couleurs un peu tristes, un peu tristes. J'aime pas les couleurs trop perçantes. Et c'est un peu mon objectif, là, tranquillement, d'essayer d'avoir des couleurs plus vives. D'album en album, j'essaie de faire un effort pour avoir des couleurs un petit peu plus vives, mais en restant quand même dans mon univers un peu doux. Voilà. Ouais, en fait, méditatif. Quand je cherchais des termes, j'étais dit, il y a un petit côté méditatif, contemplatif peut-être, c'est aussi. Gentil. Oui, ça, j'aime ça comme adjectif. Ouais. J'aime qu'on prenne le temps de regarder le livre, j'aime qu'on prenne le temps d'apprécier les images, parce qu'on est tellement dans un monde où le numérique est là, les gadgets, les sonneries, tout le temps. Et lire un livre, il y a quelque chose de qui va à l'encontre de ça, qui nous ramène un peu, qui nous recentre. C'est le moment partagé aussi avec son enfant. Mais j'avoue que je lis des livres jeunesse en cachette toute seule aussi. Mais il y a quelque chose de très fort dans la littérature jeunesse, parce que c'est tellement libre comme univers. Oui, puis en même temps, c'est de jouer un peu avec la temporalité, dans la mesure où les moments, les portraits justement qui sont présentés dans Perché sur ses hautes jambes, mais au bout du compte, c'est des moments qui durent peut-être une fraction de seconde, oui, dans la réalité, oui, mais qu'on peut étirer sur des minutes. Puis c'est un peu la même chose aussi que je trouvais dans Un après-midi chez Jules, où le moment où l'avion est lancé, ben c'est une fraction de seconde dans la réalité, mais finalement qui dure dans le livre. On peut pas passer au minimum une ou deux minutes à observer, à vivre la page, là. Oui, oui, c'est ça. C'est que finalement, ce petit événement-là devient quelque chose d'important et comme un souvenir mémorable, en fait. Et j'aime pouvoir mettre ces petits événements-là et leur accorder beaucoup d'importance, parce que dans le fond, c'est pas la durée de l'événement qui compte, c'est plus la symbolique et le plaisir qu'on en retire. Oui, puis avec un petit côté aussi, si je fais un autre parallèle côté estampe, tu parlais, en fait, tu sembles t'orienter beaucoup vers des univers oniriques, des actions suspendues, et en ce sens-là, avec ce petit côté, justement, suspension de temps, oui, le petit côté méditatif, j'ai l'impression qu'il y a une belle continuité aussi là-dedans. Oui, ben c'est ça, en fait, c'est ça, j'ai donc une pratique en estampe numérique, et donc ma pratique en illustration jeunesse. Mais c'est sûr qu'il y a une proximité entre les deux. En estampe, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le mouvement surréaliste qui nous permet de vraiment faire des juxtapositions d'éléments qui dans la vraie vie n'existent pas, mais c'est une façon d'explorer la créativité, et je retire vraiment de la satisfaction et de mon travail en artiste en art visuel et de mon travail d'illustratrice jeunesse. C'est vraiment deux pratiques qui me tiennent à cœur et que j'arrive à combiner. Oui, parce que nécessairement, en fait, ce que tu explores d'un côté va enrichir ce qui va de l'autre côté aussi. C'est ça, en fait, j'alterne entre les deux. Je fais un livre, je retourne à l'estampe, je fais un livre, je retourne à l'estampe. Parce que c'est sûr que il y a quelque chose qui permet, dans cette rotation-là, là, il y a quelque chose qui permet vraiment d'enrichir. En fait, les deux sont comme des vases communicants, dans un certain sens. Ouais. Et tout ça au service d'univers qui, dans certains cas, ont leur côté incongru. C'est peut-être plus évident dans certains travaux d'estampes qu'on a eu l'occasion de voir dans des expos solo ou collectives, mais en parallèle aussi, avec le sujet même de percher sur mes hautes jambes, la notion de perspective. Donc, il y a ce côté plus grand que nature, un peu incongru, aussi surprenant, mais il l'avait aussi dans un après-midi chez Jules avec la très grande maison, la très petite maison. On joue avec les dimensions un peu pour ancrer un univers, j'ai l'impression, dans le quotidien, mais en même temps, se sortir, s'émanciper aussi de ce quotidien-là. Oui, c'est certain que on aime pouvoir imaginer des univers qui sont vraiment gigantesques ou vraiment tout petits, minimalistes. Donc, c'est certain que les enfants peuvent facilement, je pense, ils aiment ça, les enfants. Là, ils aiment ça quand tout est grand, quand tout est petit. Il y a quelque chose d'agréable. Et dans ce contexte-là aussi, on parlait avec Simon Dejoka tantôt de la notion de dialogue, de fait que le livre jeunesse, dans le fond, présuppose aussi qu'il y ait un échange entre le parent et l'enfant. Évidemment, donc, il l'a dans Percher sur mes hautes jambes, mais j'avais envie de te questionner sur la chute dans Un après-midi chez Jules. Ah, d'accord. Ou comme carrément, en fait, puis tu pourrais ramener aussi vers Percher sur les hautes jambes après, oui. mais où carrément tu forces aussi le dialogue, où tu n'imposes pas de conclusion. Non, c'est ça. En fait, Un après-midi chez Jules, il y a une fin ouverte, et donc on peut choisir sa fin. Et ça, j'avais tenu à ce que la fin reste ouverte. Et en fait, je voulais que l'enfant puisse choisir. On sait tous, dans le fond, qui a lancé l'avion dans la chambre de Jules. On sait que c'est la petite fille, mais il y a un petit côté agréable à faire. Mais si ça avait été Monsieur Blaise, si ça avait été Bijou le chien... J'ai aimé donner cette clé-là à l'enfant. Et aussi, en fait, je sais que les livres jeunesse là, sont souvent lus et relus et relus parce que, ah, maman, c'est celui-là que j'aime, tu sais, on le relit-tu. Puis là, à un moment donné, le parent devient saturé parce que ce livre-là, il n'en peut plus. Et donc, avec la fin ouverte, mais pourquoi pas donner une nouvelle fin ce soir? Et un peu comme en parallèle avec Percher, ben là on est plus dans une dynamique d'identification. Donc l'enfant, on le disait, c'est le petit garçon. Il y a pas d'autre état qu'être un enfant finalement. Donc nécessairement, on peut transposer sa réflexion à celle de l'enfant, le questionner, dialoguer, échanger, etc. Oui, ben pour Percher, donc il y a une fin. La fin, c'est que finalement c'était un beau voyage, mais que finalement il est toujours un petit garçon. Mais il y a toujours la possibilité de revenir dans son univers pour pouvoir vivre encore d'autres aventures. Alors ça, je le rappelle, en fait, c'est le livre qui a été lancé tout récemment, donc « Percher sur mes hautes jambes » avec Hélène Deblois au texte, c'est aux éditions de La Bagnole. Et en terminant, Valérie Boivin, est-ce que tu as des nouveaux projets en cours, des éléments qui s'en viennent? Je me souviens, en résidence à Bordeaux, il y a quelques années, tu avais planché sur des illustrations pour des collaborations avec Ingrid Chabert et Pascal Bonenfant. Est-ce que ça va voir le jour? Oui, mais c'est ça. Souvent, j'espère que... À Bordeaux, j'ai travaillé donc sur Percher, sur mes hautes jambes, mais j'ai aussi travaillé sur un livre qui s'appelle Rico le croco. Et peut-être que j'aurai des nouvelles prochainement pour Rico, mais actuellement, je travaille sur un nouveau livre justement pour les 400 coups. Donc, ça va être un beau livre. Je vous en dis pas plus, mais ça va être un beau livre. Voilà. À découvrir. Oui. Valérie Boivin, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup à toi, Raymond. Et nous, on repart en musique, toujours avec cette formation TLR. On écoute un dernier extrait. Et toujours en antenne du 89.1 CKRL, dernière ligne droite pour la vie en BD. Et on passe cette dernière ligne droite en compagnie de notre collaboratrice Julie Gagné. Bonjour. Bonjour. Alors Julie, toujours avec nous évidemment pour partager certaines suggestions, certaines lectures dans la sphère de la littérature jeunesse illustrée. Et cette semaine, ben on va se pencher d'abord avec vers un livre au titre quand même assez cocasse, Panique au village des crottes de nez, c'est au Fourmis Rouge. En fait, il n'y a pas juste le titre qui est cocasse. Déjà, tu sais, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai dit Raymond, je pense que j'aimerais ça parler de ce livre-là. Ça m'a vraiment intrigué, là, un livre sur les crottes de nez. Franchement, ça fait appel à quelque chose de commun à tous. On trouve ça drôle, tu sais. Puis je me suis dit, ben probablement que mon fils de 3 ans va vraiment aimer ça. Un livre sur les crottes de nez. Il est à l'âge où il découvre puis où il veut presque les goûter. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée. En fait, c'est publié aux éditions Fourmis Rouge, une maison d'édition française que je connaissais pas, en fait, avant de voir ce livre-là. Puis c'est un livre qui est écrit par Mirzik et Morisseau, donc un couple d'auteurs français, dessinateurs également. Puis aussi, ce qui m'avait attiré dans ce livre-là, parce que j'avais vu passer ça sur Facebook, quelqu'un qui parlait de ce livre-là qui était lancé, c'était le look, tu sais, le travail à l'aquarelle avec des couleurs vert pâle, rose pâle, vraiment pastel, des lignes franches qui viennent délimiter, des formes qui sont malgré tout assez simples et qui me rappelaient les barbes à papa, en fait. Ça rappelle les barbes à papa. Puis tu sais, c'est vraiment une palette de couleurs là. C'est vraiment juste dans le rose et dans le vert là, principalement. Il y a d'autres accents de couleurs à d'autres moments, mais grosso modo, tu sais, c'est quand même assez doux avec des contrastes de noir. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est malgré tout, c'est l'histoire. C'est des crottes de nez. Et là, tu trouves drôle à raconter ça. Ben oui, c'est ça. Je parle de crottes de nez radio. C'est une famille de crottes de nez qui habite dans des maisons nées. Des maisonnées, petit jeu de mots, dans un village né. Puis là, ben un matin, il se lève, puis là, il y a un vieux monsieur qui est complètement dévasté parce que pendant la nuit, il y a un doigt qui est arrivé dans le nez puis qui a tué toute sa famille. Puis là, ben sa maison est complètement dévastée. Fait que là, la famille, une famille de crottes de nez, a peur un peu puis décide de quitter le village pour trouver une maison où il pourrait se sentir plus en sécurité. Donc, au-delà des crottes de nez qui sont drôles en soi, ce qui est drôle aussi, c'est de voir leur quête pour trouver des maisons, puis le type de maison, une maison bouche, une maison pomme, une maison brouillard. Puis là, quand tu regardes ça avec un enfant de 3 ans, c'est drôle, parce que là, la maison moustache est vraiment excitante, la maison oreille aussi. Ouais, c'est ça. Même à ça, tu sais, juste la forme de la maison. Puis il y a peut-être une quinzaine de sortes de maisons comme ça qui visitent avec leur agent d'immeuble, qui est une mouche avec une grosse cravate vraiment kitsch. Et là, finalement, il arrive dans une place, la mouche dit « Là, c'est la dernière place que je peux vous montrer. Il y a personne qui la veut, cette place-là, plus une grosse crotte. » Du caca. Puis c'est la maison crotte. Puis là, les crottes de nez sont vraiment contentes parce que le doigt, il ira pas se mettre dedans, finalement. T'sais, fait qu'il y a un petit côté vraiment scato, puis mais drôle, ouais, ça, c'est farfelu. Ce que j'imagine, ça me donne l'impression d'être un joyeux délire là, comme bouquin. Ben certainement là, tu sais, c'est sûr qu'à la base, faire un livre sur ce sujet-là, faut quand même avoir un bon sens de l'humour. Puis je te dirais là, il a pogné tout de suite. Tu sais, des fois les livres, on les raconte une fois, puis ah oui, je l'aime. Puis d'autres fois, c'est je le veux encore. Puis mon fils, tout de suite après avoir raconté cette histoire-là, la voulait encore. Donc je pense que les crottes de nez, ça a été gagnant. Mais aussi les variations sur les maisons. Ça, c'est quand même drôle. Moi-même, ça me faisait rire là, de lire ces types de maisons-là. Oui, puis comme lecteur, dans le fond, j'imagine que c'est un moment aussi où, auprès de l'enfant, tu peux amener un ton, un punch. Hey, qu'est-ce qui va se passer? Puis, Ben moi, je vais vraiment de la surprise. Ah, une maison moustache, tu sais, comme pour souligner l'accent. C'est sûr qu'avec un livre comme ça, on peut faire une lecture assez théâtrale, à mon avis, parce que c'est on va un peu de surprise en surprise. Puis, tu sais, pour un enfant, ça se peut pas, mais en même temps, tout se peut. Puis là, ben c'est très drôle. Puis c'est de voir cet émerveillement-là. Si moi, j'ai souri, c'est sûr que mon garçon de 3 ans, lui, il trouve ça extrêmement drôle de penser à des maisons de cet ordre-là. Puis je suis pas mal sûr qu'il s'imagine un peu, tu sais, habité ou dans cette maison-là et tout ça. Fait que c'est quand même gagnant, là. Est-ce qu'on le recommande, donc? Ben oui, ça, oui. Certainement, je recommande. J'étais contente de l'avoir, de te l'avoir demandé pour pouvoir en parler à la radio. Alors ça, c'est Panique au village des crottes de nez, c'est aux éditions Les Fourmis Rouges. Voilà. Deuxième titre, c'est une sortie de début d'automne du côté des éditions de la Pastèque. Ça s'appelle Tom la tondeuse. Tom la tondeuse, en fait, c'est une histoire de Brian A.M. Smith qui a été traduit par, qui a été traduite en fait par Fanny Britt et illustrée par Sophie Péol, qui est une illustratrice ici de Québec, même de Limoilou, le plus spécifiquement. Écoute, Tom la tondeuse, je sais comme pas par où commencer, Raymond, parce que c'est vraiment un très, très beau livre avec des... En fait, l'histoire, c'est Tom, un gentil garçon, il est très heureux et tout ça, puis là, il veut une tondeuse. Puis ses parents disent, ouais, tu sais, il est jeune un peu pour avoir une tondeuse, tout ça, puis là, il insiste, puis finalement, des parents se laissent tenter. Puis là, ben, il tond tout. Puis là, il vire dans une folie là de tondeuse. Il est capable de s'arrêter. C'est ça. Mais là, on s'entend, là, ils n'ont pas donné une tondeuse à moteur là avec du gaz et tout. Là, c'est une petite tondeuse manuelle. Puis là, ben, il tond la pelouse. Après, il tond les plantes. Après, il va tondre les légumes chez le voisin. Puis là, tu sais, il vire fou. Puis il devient comme incontrôlable. Il va tondre le tapis dans la maison. Il va tondre le chien. Il tond. Puis à la fin, il va comme moins. Je vais peut-être exagérer. Peut-être que je suis un petit peu trop jeune pour avoir une tondeuse. Mais c'est de voir comme la démesure de l'histoire, tu sais, puis de voir le petit bonhomme qui est illustré justement par Sophie Péa, qui tend des choses énormes, tu sais, des échelles, des énormes fleurs. Moi, il est toujours tout petit par rapport à son jardin, par rapport à l'univers qui l'entoure. Il est minuscule, lui. Ben oui, comme là, je regarde une page où il déchiquette des carottes puis des rutabagas, tu sais, sont comme 5 fois sa grosseur, puis lui, il passe, il est invincible, tu sais, puis ça revole de partout. Puis ces images-là, en fait, c'est intéressant parce que le fait qu'il tombe comme ça, ça lance les choses dans les airs. Sophie Péa, elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Puis là, on voit des fleurs, on voit à peu près tout ce qui tombe là, comme ça dans les arbres. Ça fait des images qui sont quand même assez, assez riches, assez complexes aussi, pleines de détails qui permettent d'animer. Mm-hmm. Tu sais, l'histoire est quand même, bon, il y a peut-être 4 petites lignes, je te dirais, par 8 lignes par double page. Mais là, ça permet de dire, ah, regarde ça, regarde le chien, il a sa queue qui a été tondue, regarde comment il va loin, comment il va vite. Puis tu sais, ça permet justement d'enrichir l'animation. Et puis un côté, en fait, beaucoup de couleurs vives, des traits quand même assez nets, assez clairs. Oui, il y a quelque chose, en fait, net et clair, mais en même temps, je te dirais, je trouve ça un peu baroque, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup de détails. Puis il y a un côté cartoonesque aussi, qui moi m'a surpris, c'est drôle là, je m'attendais comme pas à ça, ce genre de dessin là, mais ça fonctionne super bien avec justement l'histoire, avec aussi les couleurs, parce que les couleurs, bon, c'est des couleurs vives mais sans être trop éclatantes, rouge, vert, jaune principalement dans l'ensemble. Puis ben les mises en page vont changer aussi là, en fonction de la narration, donc on peut avoir une page double page sur une action que Tom est en train de faire, puis après ça, ben tu sais, différents petits moments comme ça. Et donc, il y a une folie qui en ressort un peu, d'une certaine façon, un rythme, une folie, un... Ben, on sent certainement la frénésie, en tout cas. Je pense que le dessin rend très bien cette frénésie-là d'enfant incontrôlable, comme s'il était dans un gros... Là, c'est l'Halloween, là. On va tomber dans les roches de sucre d'enfants qui sont comme en train de courir partout d'excitation. Ben, lui, il fait ça avec sa tondeuse, tu sais, puis il y a des conséquences. Puis finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas les parents, à la fin, qui ont besoin de faire la morale. Il s'en rend compte par lui-même. Puis finalement, je pense qu'il décide de jouer d'un instrument de musique. C'est peut-être un peu plus soft. Et comment ton enfant a reçu un peu ces éléments-là? Je pense qu'il trouve ça drôle. Je pense qu'il trouve ça drôle, mais tu sais, je pense qu'il comprend pas encore. À 3 ans, il est peut-être un peu jeune, mais il comprend pas tout à fait là, la morale de l'histoire. Mais tu sais, je pense qu'il trouve le livre rigolo, puis je pense qu'il trouve les dessins rigolos également. Alors, est-ce qu'on recommande, est-ce qu'on suggère? Ben certainement, surtout que l'illustratrice est de Québec, là, où vous pourriez la croiser dans la rue, puis c'est vraiment un plaisir aussi là pour les yeux. Alors ça, c'est Tom la tondeuse, c'est aux éditions La Pastèque. Ouais, voilà. Ben, Julie Gagné, merci beaucoup. Merci à toi, Raymond. Et nous, avant de se laisser, petit clin d'œil, tiens, d'actualité BD, on aura sûrement l'occasion de se replonger là-dedans, mais un nouvel éditeur dans la région de Québec qui se lance dans la sphère de la bande dessinée. Il s'agit de Berber 1313, donc jeune maison d'édition qui n'a de cesse de grandir, pourrait-on dire. Alors, ben voilà, on annonce donc les nouveaux titres de leur côté. Alors, clin d'œil de ce côté. Et également, nouvelles concernant Valérian, en fait, des nouvelles du film, en fait, le casting se développe tranquillement, et notamment après Clive Owen et Dane DeHaan, eh ben, et Cara Delevingne, il y a également Rihanna qui vient de se rajouter au casting de ce film-là. Alors, bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, entre autres, on aura avec nous JF, Francis Desharnais et bien plus d'invités, d'auteurs et le reste. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous dis à la semaine prochaine dès 17h30 pour une autre édition de La Vie en BD.